à tous, vous êtes sur Fadjet 94.2. Bienvenue dans notre émission Un coup d'œil dans le rétro. Une fois par mois, on décrypte toute l'actualité. Alors, en règle générale, c'est le vendredi soir, le troisième vendredi de chaque mois, de 17h à 17h30 sur les ondes de Fadjet. On vous décrypte toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. On vous informe sur les tendances musicales, la mode, la déco, mais aussi les loisirs, les sorties au niveau local et national. En somme, une émission où on vous parle du passé au présent. Ma partenaire de jeu depuis presque 2 ans, fêtera les 2 ans en janvier 2016, c'est Anaïk. Bonjour à toi, Anaïk. Bonjour à tous. Ça va ? Ça va bien. Il faut savoir qu'Anaïk a dormi 2 heures. Oui, 2h30. Non, 2h30, puisqu'elle travaillait cette nuit. Mais pour les 30 ans de Fadjet, elle nous fait l'honneur d'être ici. Alors, on a 2 invités qui se sont greffés à l'émission ce matin, qui ne sont pas forcément des invités du monde rétro, mais qui viennent nous faire un petit coucou. C'est ça aussi, Fadjet, c'est Steve. Bonjour à toi, Steve. Et c'est vrai que je suis un petit peu rétro quand même. T'es un petit peu rétro. Quelque part. Là-bas. Et Florian qui était là aussi avec nous à la matinale de ce matin. Voilà. Donc voilà, c'est bien aussi, c'est ça Fadjet, c'est-à-dire que les portes sont ouvertes depuis 30 heures déjà et tout le monde se greffe aux émissions en cours. Allez, Anaïk, qu'est-ce que tu peux nous donner le sommaire du jour ? Oui, bien sûr. Alors au sommaire de cette émission un petit peu spéciale, on va parler d'un artiste qui a marqué un peu les années 80-85, un artiste français. J'ai nommé Daniel Balavoine. Ensuite, on abordera un petit peu nos chroniques un petit peu préférées de coup d'œil dans le rétro avec un objet, un foulard, je dirais, incontournable aussi de ces années-là qui était le bandana. Le bandana. Voilà. Et puis, on parlera aussi de pubs, les anciennes pubs. Je ne sais pas s'il y a des slogans qui vous ont marqué dans votre enfance. Alors, on essaiera, si tout est dit souvent dans le titre, dès le début de la musique, mais on essaiera de vous faire découvrir justement, vous essaierez de trouver à quoi correspondent ces publicités. Et on poursuivra, bien sûr, si on a le temps, mais il y a une chronique aussi sur un objet incontournable des années 80. Le baladeur. Ah oui. Oui, le baladeur, donc on parlera de ça. Et bien sûr, les sorties au niveau local, au niveau du rétro. Eh bien, on commence tout de suite. Alors, le coup d'œil, tu le disais, sur un artiste de cette époque, c'est Daniel Balavoine. Daniel Balavoine est né le 5 février 1952 à Alençon, en Normandie, dans ta commune, hein, pas trop loin, pas dans tes bourgades. Il mange certainement de la crème. Oui. Quoi. Le jeune homme passe son enfance entre Bordeaux, Biarritz et Dax, alors qu'il a juste 16 ans. La révolte estudiantine de mai 68 se déclenche. Il y participe activement depuis la ville de Pau, où sa famille est installée. Il écrit même avec ses camarades un petit livre blanc sur la réforme de l'enseignement. Dans cet enthousiasme général, il envisage de devenir député. Hein, il fallait le savoir aussi. Il avait déjà un avant-goût quand même un petit peu pour la politique. Pour la politique. L'engagement. C'est vrai. Mais son ambition est vite remise en question, tant sa désillusion est grande quand le mouvement s'arrête. L'année suivante, il se produit comme chanteur avec différents groupes comme Memphis. Alors, si je vais essayer de le prononcer correctement, Chadez, ou Réveil, avec lequel il monte à Paris en 70. Le résultat n'est pas concluant, la formation se dissout. Daniel Balavoine trouve alors une place dans le groupe Présence. Le succès n'est pas au rendez-vous, mais cela lui permet de faire de nombreux galas en province et de se roder. Après que son groupe se soit dissous, il commençait une carrière solo, puis est devenu choriste de Patrick Juvet. Patrick Juvet, assez célèbre. Petit extrait instantané, improvisé, Steve. Steve, Patrick Juvet. Où sont les femmes ? Où sont les femmes ? Ils sont parfaits. J'ai plus besoin de mettre de son, vous allez tout faire. Avant d'être embauché chez Barclay en 75, en fait, sa carrière démarre réellement quand Michel Berger lui propose le rôle du jeune loubar Johnny Roquefort pour l'enregistrement du studio de Starmania, effectivement, l'opéra rock qu'il a composé. Le succès est phénoménal. Balavoine marque profondément cette production. En même temps, il va écrire son premier tube, Le Chanteur, qui sera aussi le nom de l'album. Et on se retrouve juste après ça, on est ensemble jusqu'à 14h. Il est 13h10. La douleur, pouvoir parler à un ange en douceur, lui montrer la blessure étrange. La douleur d'un homme qui voudrait trouver en douceur au fond de lui un reste de lueur. L'espoir de voir enfin un jour un monde meilleur. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Qu'est-ce qui pourrait sauver Labour? Eh bien nous, c'est Labour pour Fadjet qu'on a depuis 30 heures déjà, voire même 30 ans. Il faut le dire, ici à Fadjet, c'était Daniel Balavoine. Alors je vois que mon partenaire de jeu s'anime autour de moi en train de me dire espèce de ringot. Oh pardon, ça recommence. Espèce de ringot, tu l'es plus que d'habitude. Mais effectivement, écoutez-moi ça, c'était un jingle de 1900. Alors celui-ci est entre 95 et 2000. 94. Il est passé entre 95 et 2000 ici, donc c'était le jingle dans les émissions de Fadjet. Et donc celui d'avant que j'ai passé tout à l'heure, eh bien c'était un jingle de 1985, je crois. À peu près. Oui, 1985. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a un petit côté rétro. On peut utiliser nous ces jingles. Ouais, on est bien placé ici. Hein. L'émission pour bien son nom du coup là. D'ailleurs, un coup d'œil, on l'a créé ensemble en 2000, oui. Janvier 2014. Oui, c'est donc, ça. Ça fait deux ans déjà. On essaye de balayer un petit peu tout le monde rétro en Lorraine. On essaye de se concentrer sur le local. Balayer tout le monde. Balayer tout le monde. Fait du grand ménage. Ah, on met des grandes béquilles à tout le monde. Et, le monde du rétro en Lorraine, c'est pas hyper fourni, mais on arrive à trouver des choses et des petites choses qui se font, c'est peut-être plus confidentiel parfois. On est là aussi pour les mettre en lumière, donc n'hésitez pas à nous contacter, tout simplement par le biais de Fadjet, ou alors sur notre page Facebook Un coup d'œil dans le rétro, si vous voulez nous faire part de votre actualité rétro, tout simplement de votre mode de vie, de vos passions, de vos événements, et donc, on vous invitera dans l'émission qui se déroule en règle générale, sauf exception aujourd'hui, de 17h à 17h30, le troisième vendredi de chaque mois. Allez, on poursuit l'émission. Et donc, comme chaque chronique, là, on a commencé tout simplement par un artiste. Et aujourd'hui, on va s'occuper de la déco. Et la spécialiste, pas de la déco, pardon, la mode. La mode et ouais. La spécialiste mode, ici, ouais. Notre émission, c'est toi, Anaïk. Alors on parlait tout à l'heure, t'as commencé à en parler un petit peu du bandana. Oui, le bandana. Je ne sais pas si vous avez eu un bandana quand vous étiez un petit peu plus jeune. Et je mettais en corsaire, moi. Je mettais en... Ouais, sachant qu'il y avait une époque, une signification. En fonction exactement. De laquelle tu mettais, ah bon tu, oui, prenais la, tu prenais une position plus ou moins politique. Oui, oui. Ah bon, oui, ah, je ne savais pas. Je vais vous apprendre des choses, je pense, sur le port du bandana. Parce qu'effectivement, ça avait son importance. Donc comme on le disait, le bandana, donc, c'était un foulard incontournable des années 80. Et on peut dire aussi qu'il est revenu un petit peu à la mode cet été, à l'été 2015. Le bandana, donc, c'est une pièce de tissu en forme de triangle ou en forme de carré, ça dépend. En fait, c'est un mot qui vient du hindi, bandana, donc, qui signifie attaché et noué. Le bandana, donc, était à l'origine utilisé par les Texans, qui l'utilisaient afin de se protéger de la poussière environnante. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on en voyait aussi dans pas mal de films, en fait, de cow-boys. Il a fait son apparition, donc, à la fin des années 70 et a été popularisé, donc, par la communauté homosexuelle, notamment des États-Unis. Voilà. On peut souvenir d'ailleurs aussi un petit peu du cow-boy, un petit aparté moustachu, un peu kitsch. Moi Non, pas toi. À moins que tu aies fait partie du groupe de Village People, mais je ne pense pas. J'aurais rêvé. Hein, j'en rêve. Tu avais ta place. Je vais essayer de reconstituer le groupe avec toi, Steve. Je ne sais pas ce que tu pourrais faire, toi. Ben, le... Ouais, je sais pas. Quel personnage. Là, je me regarde dans le truc, je sais pas. L'Indien, moi Ouais. Manque un petit peu de cheveux, mais bon, après, bon, ça va. J'avais des grandes perruques. Donc, à cette époque, la position, donc, comme je disais, la couleur du bandana, donc renseignée sur les pratiques un peu sexuelles préférées donc, des gens qui le portaient. Donc, en fait, ça facilitait les rencontres et les échanges. Et alors, à partir de quel moment il est arrivé en France? Alors, le bandana donc, a fait son apparition en France dans les années 80 par le biais du chanteur Renaud. D'ailleurs, je vous ai écouté ce matin, il me semble que vous avez passé une interview de Renaud qui était venu à Fadjet. C'est ça. Il n'était pas venu forcément à Fadjet, mais il était dans l'Ancy à un moment de son concert, et ben en 2007. D'ailleurs, sa voix se portait mieux à ce moment-là. Oui. Et donc, on a pu faire une interview ici à Fadjet, effectivement. Voilà, donc c'est par son biais, en fait. Donc, et notamment le biais de la pochette de son album à l'époque qui s'appelait Marche à l'ombre. Le bandana donc, avait à cette époque une connotation un peu de rébellion. Mais très vite, donc, cet accessoire est devenu un accessoire de mode. Grand nombre d'adolescents portaient le bandana soit autour du cou ou le nouaient sur la tête afin d'être totalement in. Oui. Certains l'attachaient aussi donc à leur sac, ou alors on pouvait le porter comme un bandeau. On pouvait le nouer au poignet, et souvent quand on le mettait au poignet, en fait, c'était pour symboliser un peu l'amour de rock and roll. Alors si on récapitule, donc à cette époque, la position et la couleur, c'était les pratiques sexuelles, donc il fallait pas se planter. Il fallait pas se planter. Et voilà. Et si on le mettait au poignet, c'est qu'on symbolisait l'amour du rock. L'amour du rock, exactement. Donc le bandana, donc est logiquement, donc on l'a dit tout à l'heure, donc un carré de tissu, donc qui fait à peu près 50 cm. Donc il existe d'autres formes comme les formes triangles. Il est souvent un peu décoré aussi à la façon un peu des mandalas hippies. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Vous rappelez les bandanas, ouais. En fait, il y avait une espèce de dessin en fait dessus. Oui. Hein, c'était. Et le hippie chic de nos jours revient aussi avec le bandana. Exactement. Donc aujourd'hui, le bandana donc est très prisé par la génération un peu 80. Alors je pense que moi, on est un peu génération 80. On est génération 80. Voilà. Donc il y a plusieurs façons de le porter, le bandana, comme je disais tout à l'heure. Oui. Soit donc en bandeau, donc avec un nœud en avant pour un look un peu plus rétro, donc les années 90. Donc il a passé plusieurs années, 80-90. 80-90, et on l'a vu quand même pas mal cet été. Oui. Alors du coup, il y a eu un passage à vide dans les années 2000 parce que c'était un petit peu ringard. Et hop, ça revient. Exactement. Toujours, en fin de compte. Bah oui, c'est ça. Bah oui, c'est un petit peu un coup d'œil dans le rétro. On aime bien parler de choses qui reviennent. Exactement. D'après un peu nos enquêtes qu'on fait depuis un an et demi, ça n'a de cesse. Ça n'est que ça. Hein, ça n'est que du renouvellement. Vrai. On se repassionne. Alors ça dépend de notre position sociale, souvent, oui. Voilà, de plein de choses. Mais effectivement, ça n'a de cesse que de recommencer. Alors, on le porte aussi comment ? Alors, en bandeau, donc comme je disais, on peut le porter aussi pour les filles avec une queue de cheval, pour les garçons aussi, je sais pas, pourquoi pas. Bon, oui, ça peut arriver. On peut le porter autour du cou, donc vous pouvez le plier et en faire comme une sorte en fait de collier ras du cou, donc pour les dames, ou alors le nouer simplement en laissant apparaître le nœud, donc pour un effet un peu pin-up, un petit peu sur le côté, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez aussi le porter, comme je disais tout à l'heure, donc autour du poignet, un peu comme une manchette, parce que le bandana, en fait, maintenant, il sert un petit peu aussi de bijou. Voilà, c'est plus un simple couvre-chef. Donc on le met au poignet. Exactement, voilà. Et donc, est-ce qu'on a toujours, aujourd'hui, une signification, ou alors on s'en fiche et on porte n'importe quelle couleur, ce qu'on a envie de... Parce que moi, personnellement, je n'aurais pas fait forcément attention si tu ne me l'avais pas dit. Non, je me doute bien. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus, c'est plus un bijou. Donc après la couleur, je pense qu'on s'en fiche un peu. Voilà, il n'y a plus ces connotations un peu peut-être de préférence sexuelle. Après, c'est pareil au niveau, si on le porte en ras du cou, si on le porte au poignet, si on le porte... je ne pense pas, aujourd'hui, que c'est encore une vraie incidence, en fait. J'ai quand même porté, moi, c'est vrai que je me suis dit, je surveillais en saison les... Bon, c'est pas, ça justifie pas, mais les plages ou les bassins dans le sud de la France, donc le soleil, et je le mettais en bandeau de contour de la tête, mais entièrement, en fait, un peu comme c'était comme Marco Pantani, là, qui l'avait dans le Tour de France, c'était un coureur cycliste, et donc c'est souvent les gens qui étaient dégarnis, le mettaient et l'attachaient autour de la tête, donc bon, c'était sympathique, c'était pas mal. Bon, après, je me vois mal aujourd'hui, centre-ville, mettre mon bandana. Un peu la façon de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Oui, peut-être aussi, effectivement. C'est pareil, Jack Sparrow, ça doit être difficile à porter centre-ville en ce moment aussi, hein. mais par contre, effectivement, le bandana. Donc n'hésitez pas, on en voit un peu partout en ce moment. Plus les filles quand même. Plus les filles, oui, c'est vrai. Pour le dire, un peu plus les filles. Ouais. Mais par contre, là, on va faire une petite pause musicale. Qu'est-ce qui représentait le bandana au niveau musique, allez, comédie musicale dans les années 80, à votre avis? Grease? Oui. Il est fort, incroyable, il a même pas donné d'autres réponses. Ah pardon. Non mais c'est parfait, c'est ça, exactement ça. Et c'est exactement le morceau qu'on va s'écouter maintenant. On commence tout doucement. Je fais une dédicace à ma mère qui aime cette chanson. Ah. Elle s'appelle comment ta mère? Chantal. Chantal, on vous dédicace Grease. Allez, on s'écoute ça, il est 13h22 minutes, on se retrouve juste après. Vous êtes à l'écoute d'un coup d'œil dans le rétro. You better shape up. You better on. c'était le jingle. C'est ce qui a sonné. Non, c'est personne qui a sonné. Vous êtes à l'écoute de Fadjet et c'était bien sûr Grease. Qui pleut, qui neige, qui il vente. Plus besoin que je t'invente. À pied, à cheval, en auto. Fadjet 94.2. C'est toi ma radio. À pied, à cheval ou en moto. C'est toi ma radio. Et donc celui-ci a été utilisé de 1985 à 1990. Ah ouais. Voilà, à pied, à cheval ou en moto. Il y avait encore, effectivement, dans les rues de Nancy à l'époque, des chevaux. Les gens se déplaçaient à cheval dans les rues de Nancy. Mais moi j'aime bien ce petit côté un petit peu rétro, vieillissant comme ça. Je trouve ça sympathique. Et puis ça va parfaitement avec notre émission. Allez, on poursuit mes amis. Je le disais, vous êtes à l'écoute d'Un coup d'œil dans le rétro. C'est l'avant-dernière émission de ces 30 heures de Fadjet. 30 heures pour 30 ans de Fadjet. On est ensemble jusque 15 heures. Après, s'en suivra pour ceux qui le désirent un petit goûter en bas. Malheureusement, suite aux événements de Paris en ce moment, on a dû annuler sur le parvis de la cathédrale notre grand goûter solidaire. Mais ça n'est que partie remise. Il se aura reporté, je pense, pour l'année 2016. Donc à suivre sur les infos de Fadjet. Et donc là, on vous propose de venir tout simplement nous retrouver à partir de 15h au rez-de-chaussée de la radio au 47 de la rue Charles III. Alors on poursuit et cette semaine exceptionnellement on va balayer aussi, alors j'aime bien ce mot là, hein, balayer, c'est vrai que je trouve que c'est sympa, tu vois, on va tapisser, ça irait pas, tu vois, balayer ça va, on va balayer, sticker, c'est qu'elle soit toujours pimpant. J'ai jamais compris les paroles, c'est du créole. C'est pas la compagnie créole là, c'est Cassa. Les filles. Les trois filles. Ah oui, Zouk Machine, c'est ça. Voilà. Et bien justement, on est en plein dans cette époque pour parler des pubs. Alors, on va parler des publicités de notre enfance. Donc toi, Florian, t'es un petit peu trop jeune. Mais, merci beaucoup. Voilà, c'est bien. Oui. C'est un avantage par rapport à nous. Tu sais, en règle générale, plus tu vas vers la fin, moins c'est facile. Et c'est le début qui est le meilleur. Et donc, pas le trop début non plus, hein, mais bon. Et donc, les pubs de notre enfance, la publicité de marque est autorisée à la télévision française le 1er octobre 1968 sur la première chaîne de l'ORTF. Elle n'apparaît qu'en 71 sur la deuxième chaîne, puis en 83 sur France 3. Vous avez vu, ça a mis quand même... Je trouve que c'est pas si c'est vieux. C'est pas vieux. Mais dis-toi qu'il y a des chaînes de télé qui ne sont pas vieilles, comme M6. Ça s'est fait, la chaîne a été fondée en 1987. Donc, avant, on n'avait pas la 6, quoi. Nous, quand on était gamins, on n'avait pas la 6. Et on avait une télévision où on appuyait. Très, très longtemps. Non, la 6, c'était exceptionnel. Le jour où on l'a eu, moi, j'étais un peu tout fou, quoi. Je me souviens plus, moi, effectivement. Mais tu vois, Canal Plus, je crois que c'est même plus récent. Ça doit être 90. Non. Alors, j'ai dit une bêtise. Non, c'est 80 et quelques. C'est un peu avant. On peut le retrouver, mais ça fait, ouais, quand même, c'était avant M6, ouais. Et je crois qu'ils ont eu 40 ans. Ils ont 40 ans. Non, Canal Plus, non. Non, ils n'ont pas pu avoir 40 ans, je pense. Ils ont peut-être fêté les 30 ans, alors. On va chercher l'info. On cherchera là. On va regarder. Alors, on poursuit avec les publicités de l'époque. Donc, on avait aujourd'hui envie de replonger dans l'univers de la publicité d'autrefois avec des musiques de spots publicitaires cultes des années 80. À l'époque, 72% des Français avaient une bonne opinion des publicitaires. Aujourd'hui, c'est un petit peu changé. Oui, je pense. Près de la moitié considéraient que la publicité avait un effet positif sur l'évolution de leurs mœurs. Au-delà de parler des avantages financiers d'une publicité, on va parler de la pub en tant que spectacle, un divertissement, une création en même temps qu'un miroir de la société. Donc on a fait une petite sélection très rapide des publicités. La première, je vous donnerai comme indice, mais en général à toutes celles qu'on vous passe, vous allez le savoir très très rapidement. On y va. Au secours, SOS, nous sommes en difficulté, les affreux de l'espace vont tous ça va venir. À la barre, te voilà. Ah ouais. J'ai pas retrouvé. Pub Malabar, me voilà, donc une pub de 1985. Nouvelle vignette dans vos Malabar. Voilà. Tu vois un petit peu. Donc pub de 1985, c'était ceci. Est-ce qu'il passe encore des pubs de Malabar aujourd'hui? Je ne sais pas. Si. Très rare. Pas sûr. Hein, moi, en tant que passionné de Malabar, je préférais le bigou. Voilà. Je préférais le bigou et j'attendais le tatouage. Bah, le bigou, c'était bigou du Malabar. Ne me dites pas, il me regarde avec un air de point d'interrogation. Le Malabar bigou, il y avait deux goûts. Il était bigou, je séparais en deux. Oui, c'est ça. Je séparais en deux fraise et jaunet. Fraise et citron, un truc comme ça. Fraise et citron. Exact. En fait, c'était nos premiers tatous en fait. Et les premiers tatouages. Oui, Florian, tu voulais dire quelque chose ? Non, d'accord, tu lèves la main. Si tu lèves la main, je te donne la parole. Allez, on poursuit avec une deuxième publicité. Banga. Ouais, ça c'est l'aventure. Je te rappelle, c'était, en fait, cette pub, c'était, il y avait un crocodile qui passait dans le couloir. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui, et la petite fille, pour atteindre le réfrigérateur où il y avait la bouteille de Banga, en fait, elle escaladait le couloir, en fait, au-dessus du crocodile, je crois, pour jusqu'à atteindre le frigo. Tout et ça pour du Banga, quoi. Ouais. C'était vraiment. C'était incroyable. Et d'ailleurs, un produit qui n'existe plus, par contre, un Banga. Hein. Alors, j'allais me tromper, c'était pas la poudre. Non, ça c'était bon aussi. Ah, ça, j'en... Comment ça s'appelait, ça? La poudre. Il y a un vieux là. Poudre. Oui, donc on fait venir tout le monde dans le studio. Ah bah voilà François qui arrive. François. Alors c'est une émission exceptionnelle, hein. Anaïk elle n'est pas habituée. Hein. Non, j'ai trop de monde. Bon, allez les amis, on se. Un vieux pour avoir les souvenirs du manga. Voilà, on se remobilise si tu veux, on poursuit notre émission. Il est 13h30. On est en plein dans les publicités de 1985. François, donc mets le casque sur tes oreilles, vas-y. Voilà, tu participes un petit peu. Tu vas participer avec nous parce que, il faut le dire, hein, François est nettement plus âgé que nous. Un petit peu, j'ai simplement 50 ans. Voilà, non. Donc on fait les pubs. Alors c'est Lucie, pareil. Alors, un petit peu sexué. Oui, c'est vrai. Un petit peu sexué. Je suis mort. Cachou, la journée. Ah ouais, mais alors, j'ai revu la pub hier. Oui, j'ai revu la pub hier. Voilà, exactement. Ça gigote, c'est le mot qu'on peut utiliser. C'était une jeune femme très jolie qui doit maintenant être très vieille. Et donc, elle avait une certaine poitrine opulente. Elle se secouait et elle faisait. Cachou, la journée. C'est incroyable. On se rappelle beaucoup de la parodie des nuls. Des nuls avec le caleçon cajouni. Ah, alors ouais. Et là, ça gigote aussi. C'est par contre, moi, les cachous, je trouvais ça mauvais, quoi. J'ai jamais aimé ça. Enfin, c'est vrai que les cachous, c'était pas top. Alors, on poursuit avec une autre publicité. J'ai envie de dire que. Oh, le pauvre, il va dire que j'arrête pas de le harceler. Un d'entre nous aurait pu faire cette publicité. Moi je connais un fromage moelleux savoureux, c'est le chaussé au mois. Non bah quoi? Pourquoi? Mais à cause des cheveux. Ah non, pas du tout. C'était simplement tes croyances. Ouais. Ah d'accord. C'est croyant. En fait, c'est moine, ouais. Je vous jure que si je me laisse pousser les cheveux et que tu rases le dessus. Je ressemble à la sueur. Pas faux. Il est pas faux parce que j'ai vu ce matin justement la pub. Eh ben écoute, on va te déguiser et tout à l'heure on te prendra en photo. Est-ce que c'est pas la voix de Bourville? Ah, alors on va réécouter. Hein, je crois pas. On réécoute. Écoute-moi bien. Je sais pas. Moi je connais un fromage moelleux savoureux, c'est le chaussé au moine. Non, c'est... Arrête. C'est... On dirait le chaussé au moine. Faudrait regarder le chaussé au moine. Non, je crois pas que c'est. Est-ce que tu as revu le clip ou pas? Oui, j'ai revu la pub. Non, c'est pas lui. Mais la voix est similaire. Ouais, la voix est similaire. Donc c'était chaussé au moine. Une pub qui. D'ailleurs, il existe encore ce fromage. Oui, quand même. Toujours. Excusez-moi. Bon. Et donc le fromage là est sorti en 85, donc il doit plus sentir bon. Ça fait 30 ans que c'est là dans le frigo. Donc on poursuit avec tout le monde. Tout le monde en a mangé et certains y ont laissé leurs dents. Donc bien sûr, c'est la pub Carambar avec Aboudouflich, donc une personne avec un slip de bain qui marchait autour d'une piscine avec des enfants. Et qui sauvait les paroles là, hein. Ouais. Aboudouflich. Alors, je sais pas qui a trouvé ça. Ça veut rien dire. Moi, j'ai cherché. Aboudouflich, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux faire une pub comme ça? Certainement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais faire Goldorak encore? Bah oui, bien sûr. Si t'as des passionnés de Goldorak. Mais les pubs. Alors, attendez, parce que. Attends, François, je vais t'amener une pub là, juste après. On en écoute encore une. Pareil, vous allez essayer de reconnaître. Et la dernière, c'est un peu spécial. Bon, celle-ci, on y va, vous découvrez. Il fait toujours pour travailler. Ah, vous avez dit pulque citron. Pulque donc pareil, publicité. C'est tout pour l'époque. Alors dis pas que c'est les nuls. Mais non, ça c'est pas énorme. C'était quelle année ça? 85, pareil, j'ai pris que des pulques de 85. C'était un mec avec une grosse voix comme ça. Donc ça pareil, puco citron, Anaïk, hein, tu pas rien. C'est vraiment, je te regardais. Alors, on en a encore deux, les amis. Bon, celle-ci, vous allez trouver tout de suite, très rapidement. Ça pousse, ça mousse. C'est pratique, c'est magique. Bah oui. Vous connaissez pas? Si. Le pousse-mousse. Pousse-mousse. Il a sorti les pousse-mousse. Ouais. C'est ça. Donc c'était quoi le pousse-mousse? C'était bah tu goûtais là. C'est avec une pompe. C'est ouais. Ça. Ouais. Alors c'est maintenant on en a tous, mais avant. Je sais même pas si c'est encore la marque pousse-mousse existe encore. Hein. C'est toutes les autres marques qui les ont faites. Et la dernière qui est ma spéciale, The Special. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, on y va. Saint-Michel présente les aventures de Bamboula. Bonjour, je m'appelle Bamboula. J'ai donné mon nom à un délicieux biscuit au cacao. Tu peux trouver les bandes dessinées racontant mes aventures dans chaque lot de deux paquets Bamboula. Alors je vous dis que c'est... Tu te rappelles pas de ça, François? Ah, c'était les 50. Les gâteaux... Pas du tout, pas du tout, 85. Les gâteaux Bamboula ne pourrait absolument plus fonctionner aujourd'hui parce qu'ils avaient fait une caricature. C'était un petit jeune black en forêt dans des arbres avec une peau de léopard et donc c'était la caricature certainement d'un africain. Enfin, c'était mais en plus ça paraît risible aujourd'hui de faire ça. Et donc ils ont fait des gâteaux Bamboula. C'est un terme qui est maintenant péjoratif, complètement. Donc là, c'est même plus péjoratif, c'est insultant. Et du coup, donc c'était, je suis retombé sur cette pub là. Donc le Bamboula. Alors... Un délicieux biscuit au cacao. Oh Bamboula. Tu peux trouver les bandes dessinées racontant les aventures. Alors oui, effectivement, il y avait ça en plus, c'est qu'il y avait une bande dessinée que tu pouvais gagner. Donc à l'époque, c'était aussi les petits trucs que tu découpais sur les dos des paquets que tu envoyais. Et ils t'envoyaient sous forme de panini ou sous forme de petites BD des bandes dessinées. Ça s'appelait des collectors. Les collectors, effectivement. Donc voilà, c'était les pubs du jour. Ça vous a plu? Oui, oui, bah oui. Je reviens tout à l'heure parce qu'on parlait de Canal+ et on se demandait en fait. Et donc, visiblement, ça a été créé en 84, Canal+, en novembre 84. Ouais, donc c'est ça. Ça fait 31 ans que c'est en activité. C'était les 30 ans. Allez, on poursuit cette émission avec eh bien, un titre que tu aimes, toi, Steve. Oui. Ce titre, c'est. Ah, je connais. Bah oui, c'est Tears for Fears et c'est Shout. Voilà. 1985. Allez, vous êtes à l'écoute d'un coup d'œil dans le rétro. Il nous reste une vingtaine de minutes ensemble. On se retrouve juste après ça. Vous êtes toujours dans un coup d'œil dans le rétro sur Fadjet 94.2 et nous venons d'écouter Tears for Fears, Shout, une musique des années 80. Fréquence vacances 94.2. Il y a toujours du soleil en FM, branché sur Fadjet. Bon, manifestement, ce jingle n'était pas à destination de Nancy. Hein. Il y a toujours du soleil. Je crois que c'était plutôt... Et le synthé, c'était Yves. C'est non, ça, c'était Yves qui faisait le synthé derrière. Regardez Yves. Imaginez Yves, qui est le programmateur de la radio, et regardez-le en train de jouer ce morceau. Il y a toujours du ciel bleu. Avec Jean-Luc à côté qui fait des mouvements. Il y a toujours du soleil. Alors je pense peut-être que celui-ci était à destination peut-être des programmes estivaux. Je ne sais pas, il faudra qu'on en parle d'ailleurs, qu'on demande tout à l'heure, parce que c'était fréquence vacances. Je ne sais pas vraiment. Alors c'était la période de 85 à 90. Donc voilà. Allez, on poursuit notre petite émission. Il est 13h42 minutes. Exceptionnellement, comme on l'a dit, on est en direct de Fadjet pour les 30 ans. En fait, 30 ans, 30 heures de radio, une année par heure. Pardon, là, on commence un peu à fatiguer. Il faut dire que j'ai fait la matinale ce matin. Je ne suis pas fatigué. Et donc, on termine tout doucettement jusqu'à 15h nos émissions et nos programmes. On est content que vous soyez tout simplement avec nous pour profiter de ce bon moment. Et alors, on poursuit notre émission avec un objet, incontournable des années 80. Hein, on le connaît tous. C'est le... Baladeur. Le Mixcube. Non. Baladeur. Le... Oui. Le... Walk. Le Walk. Walk. Le Walkman. Le Walkman. Alors, le Walkman, j'espère que vous en aviez, bah, peut-être pas encore une fois Florian parce que t'es un peu jeune, tous autour de cette table, U1, parce qu'on ne peut pas évoquer les années 80 sans parler du Walkman. Historiquement, Walkman est un mot créé par Akio Morita, cofondateur de Sony aujourd'hui défunt, en 79, pour désigner l'appareil portatif inventé par l'entreprise qui permet d'écouter de la musique avec des cassettes audio. Il est vite adopté par des jeunes du monde entier. Dès 1980, enfin, on peut écouter sa musique sans déranger les voisins. On écoute aussi la musique dans la rue, dans le bus, dans le métro, salle de sport, salle d'attente et salle de cours. Quand c'était fort, quand même, on entendait bien quand même ce que l'autre écoutait. Hein, parce que quand tu mettais trop fort, ça se diffusait quand même. C'était pas les casques maintenant, c'était juste. Mais il y avait différentes sortes de casques. Mousse, oui, il y a eu différentes sortes de casques. Moi, je m'en fous, j'ai eu la bonnette orange, les bonnettes orange. Ah bon je me la pétais à mort. Je me la pétais à mort. Et les parents, on voulait absolument pas qu'on ait des Walkman parce qu'ils étaient persuadés qu'on allait devenir sourds. Moi, je m'endormais avec en fait. C'est pas bien. Alors justement, il faut bien reconnaître, les sound machines avaient du mal à passer inaperçus aux yeux des profs, hein, l'école aussi, et que de fait, l'invention de Sony était pour tout collégien qui se respecte un progrès inattendu. Donc les collégiens, en fait, le seul inconvénient qui subsistait concernant la durvie, notamment concernait la durvie des piles. Hein, fallait avoir toujours un stock de piles sur soi. Et des cassettes. Et des cassettes aussi. Qui s'enroulaient, c'était une horreur. Parce qu'effectivement... Tu prenais un crayon. Et donc effectivement, à l'époque, on écoutait Trust, Kiss et leurs amis. Donc ça s'écoutait pas avec un volume au ras des pâquerettes. Et que par conséquent, il fallait compter avec une bonne provision de piles d'avance. D'autant plus que les premiers Walkman nécessitaient pas moins de 4 piles R6 double A dans leur compartiment. Certes plus pratique que les 8 LR20 des sound machines, mais tout de même. Et donc à la fin des années 80, le Walkman n'est plus le seul baladeur cassette sur le marché. On trouve aussi désormais le Walkie de Toshiba, le Cassette Boy d'Aiwa. Le Cassette Réservé Boy. Réservé qu'aux mecs, hein, parce voilà, que bon, c'est ça. Et Panasonic aussi qui propose également le Cassette Boy. C'est vrai que c'est le mec qui a inventé ça, c'est Cassette Boy. Quoi. Dans les cours des récré, c'est celui qui réussit à se faire offrir par ses grands-parents le modèle dernier cri, qui est le meilleur, le plus in à l'époque. Donc c'était le plus petit, soit celui qui compte le plus de fonctions, auto-reverse, tuner, etc. Et Toshiba a lui-même aussi commercialisé un modèle dit étanche. Ceci étant, ceux qui ont essayé d'écouter de la musique sous les douches de l'internat ont vite appris que finalement on ne pouvait écouter ses morceaux favoris que sous un léger crachin en Bretagne. Sinon, l'appareil était complètement fusillé. Attention à ce que tu vas en dire. Normandie. Bon, en même temps, tout à l'heure, je me suis quand même pris une douche de neige, j'ai rien compris en sortant le Fadjet. Un microclimat. Donc en 1987, Sony a vendu plus de 30 millions d'exemplaires à travers le monde. Et l'avantage de cet appareil, c'est qu'il en existait pour toutes les bourses, des plus simples, qui coûtaient 150 francs. Hein, quand même. Ah ouais, 150 francs, c'est à peu près 25 euros. C'est ça. C'est là qu'on dit que l'euro est bien placé aujourd'hui parce qu'on n'y arrive plus à penser en francs alors que pendant trop longtemps. Ouais, dans les 22 euros. C'était qu'un, ouais. Elle est plus balèze, les plus sophistiqués, les mecs qui avaient un peu plus de caillasse dans la poche. Ils avaient un prix qui pouvait s'atteindre à 2005 à 3000 francs quand même. Hein. Donc là, t'avais un bel appareil. Hein. C'était pratique aussi des fois en période d'examen. Parce que Vas-y, balance. Non, mais tu trichais avec ton Walkman. Non, je l'ai jamais fait. C'est impossible de tricher avec le casque énorme au doigt sur la tête. Non, mais après, il y avait les petits écouteurs. Parce qu'on est, quand même, après, au niveau de la taille des casques, il faut dire quand même qu'on a commencé avec le Walkman. Ah, donc, les espèces de petites. C'est ce que tu as là, à peu près, c'est la taille d'un casque. Mais, sauf qu'aujourd'hui, maintenant, c'est complètement l'inverse. Oui, les casques. Comment on appelle les casques? Les jeunes ont des casques énormes. En ville, quand tu les vois, c'est vrai que la discrétion maintenant des Walkman, voilà, en fait, il n'y a plus besoin. Tu n'utilises plus tes. Parce qu'il y a eu la période aussi des petites boules dans les oreilles, même si on ne les utilise plus trop. Et aujourd'hui, c'est revenu au vrai casque, effectivement, de Walkman. Et justement, avec un bon Walkman, il fallait s'écouter un seul titre à l'époque. Et ce titre, c'était bien sûr. C'est Steve? I was made for loving you. Il est 13h47. Yeah. On est encore ensemble jusque 14h. Écoutez-vous ça et faites-vous plaisir, on est en début d'après-midi. I'm not afraid to die. I was made for loving you. Toute la finesse qu'il vante, plus besoin que je t'invente. À pied, à cheval, en auto, Fadjet 94.2, c'est toi ma radio. Ouais. Oh mon Dieu. Mais c'est complètement 80. Hein, c'est, oui, c'est ça, mais c'est vraiment vrai ça. C'est synthé à mort 80 en fait. Synthétiseur à toutes les sauces. À toutes les sauces. Ouais. Donc, allez, on poursuit notre émission. On le disait, vous êtes à l'écoute d'Un coup d'œil dans le rétro. L'émission qui traite du rétro en Lorraine. Il est 13h52 minutes. On va faire un petit tour maintenant du côté des sorties tout simplement, Anaïka. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà à partir de ce soir? Quoi faire? Alors ce soir, je vous invite à aller aux trois petits points. Avec l'accent, j'ai cru que tu nous invitais à aller en Belgique. Non, je pense que je vais trouver une autre destination. Ce soir, je vous ai invité à aller en Belgique. C'est pas un accent. C'est quoi les trois petits points ce soir? Alors les trois petits points, donc ce soir de 21h à 1h, vous avez une soirée swing avec Wilfried, notre copain. Oui, hein, enfin, oui. Professeur de danse de comment il appelle ça? Danse de couple, danse individuelle, danse de salon, et multidance. Tout à fait, le 27 novembre, donc soit le week-end prochain, de 18h30 à 22h, le néo-bal coloré donc d'hiver qui sera organisé donc par l'association 3 et 4, place Charles III à Nancy. C'est gratuit, donc vous pouvez aller guincher sur du charleston, du swing, du rock and roll. L'association 3 et 4 qui fait aussi des cours, qui propose aussi des cours de danse. Tout à fait, exactement. Et le 28 novembre. Le 28 novembre, donc le lendemain, donc à 21h, ça je pense que ça doit être vachement bien. Un concert de jazz swing manouche avec le groupe Velvet Swing, donc au bar Les Seigneurs qui se trouve Grande Rue. Ah, je connais pas du tout ce bar. Moi non plus, mais je pense que voilà, le petit concert là, ça doit être bien sympathique. Le groupe mérite d'être vu. Si on est du côté peut-être de Paris, alors c'est ton petit clin d'œil. Oui. D'ailleurs, à ceux qui jouent au foot. Ceux qui jouent au foot, alors c'est dommage que ce soit à Paris, ça serait bien effectivement qu'il y ait un événement comme ça à Nancy le 5 décembre à Paris, The Vintage World Cup de 10h à 17h au 5 de Paris, donc c'est l'équivalent du Soccer City ici, donc à Paris 18. Vous pouvez venir jouer au foot avec 30 équipes vêtues, alors c'est pas vous qui pouvez venir, c'est que vous pouvez venir voir simplement 30 équipes vêtues de tenues mythiques dans une ambiance authentique. Et est-ce qu'il y a aussi des coupes de cheveux genre Valderrama? Valderrama ou... Normalement ils disent ambiance authentique, donc normalement, tu as tout à la Chris Waddle, on est peut-être trop tard du Chris Waddle. Nuque longue, c'est peut-être un peu plus années 90. Donc du coup, ça doit valoir le coup si vous êtes sur Paris. Et aussi intéressant, parce que je pense qu'on a peut-être, les footballeurs ont toujours un vieux maillot dans leur collection. Steve, t'en as quelques-uns? Un vieux short aussi. Un vieux short. Et donc, il est lavé, j'espère. Ça pourrait être l'occasion justement d'organiser ce genre d'événement ici pour ceux que ça intéresse. Oui, c'est vrai, ça pourrait être hyper sympa. On a aussi un autre événement le 5 décembre, Anaïk? Oui, donc le 5 décembre de 20h30 à 23h, il y aura le bal de cristal, donc qui est organisé donc par la ville de Nancy, Cab Nomade et Mitch Tornade. Donc en fait, c'est un bal sur les années 50 avec l'initiation Charleston, un show au niveau aux alentours pardon des années 20, des années 30, et tout ça donc se déroulera sous le chapiteau de cristal de la Saint-Nic, donc la Saint-Nicolas, et ce bal en fait sera gratuit. Donc voilà, je vous invite. Je pense que ça sera maintenu parce que. J'espère effectivement, voilà, que ça sera. On sera lundi, ça sera maintenu. Alors, je crois que tout ce qui est en intérieur, sans vouloir m'avancer, je crois qu'ils le maintiennent. Bon. Après, c'est ce qui sera en extérieur. Et donc, ça, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site de la mairie. Du préfet lundi, oui. Ouais, réponse du préfet. On en saura plus, mais j'espère vraiment. Ouais. Fadjet. D'accord. Et aussi à toi, Florian, qui nous a fait la sympathie de venir aussi ce matin, de t'être levé pour venir nous faire un petit coucou, et puis d'être revenu aujourd'hui, à cette heure-ci, dans notre émission, un coup d'œil dans le rétro. Moi, je vous dis, les programmes continuent, il reste encore une heure, c'est la 29e heure qui va prendre le relais d'ici 4 petites minutes. On termine un coup d'œil dans le rétro avec, bien sûr, l'incontournable. L'icône. La belle. Enfin, un peu moins maintenant. Tu veux pas nous faire un lancement à la mode aux années 86, 85? Ah, mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de Fadjet.